Ma sì, anche perché Kenny è una protagonista, diciamo, della nostra selezione musicale da diversi anni. Lei è una rapper, vive a Marsiglia, è un esempio di come si possa coniugare il miglior hip hop e l'impegno politico e sociale. Le sue canzoni sono passate, passano tante volte dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, quindi è un grandissimo piacere, un grandissimo onore per noi averla quest'oggi ai nostri microfoni, anche se nel frattempo sono un po' lontani da dove di solito si trovano i microfoni della radio, ma va bene lo stesso. Grazie mille. Et donc, en deux mots, bon, il a dit qu'on était très content d'être ici et de venir et de savoir qu'il y a ce concert parce que, bon, on passe souvent tes chansons à la radio et on est, comment dire, content d'avoir en face de nous quelqu'un qui arrive à conjuguer le hip-hop, le rap et la lutte et que pour ça, pour nous, c'est important, quoi. Et donc merci, même si on est un peu loin des micros de la radio, on est ici et Bah, merci, merci à vous de vous être déplacé jusqu'ici et puis de ouais, d'être venu. Voilà, c'est cool, merci. diciamo che c'è felicità da parte di tutti e tutti noi che siamo qui, insomma, i pezzi di Kenny li mandiamo e sono mandati spesso e lo ripetiamo ancora una volta, ma è un po' il filo rosso di questa intervista, ci fa veramente piacere questa unione di pop, rap e contenuti dei testi molto profondi. Che anche la prova, questo lo dico io, extra traduzione, che ci sono tanti modi di fare musica, tanti modi di fare musica anche per una musica come l'hip hop, ecco, e non soltanto quelli che ci vengono imposti dalle televisioni o dai media mainstream. T'as à peu près compris. Bon, il a répété un peu pourquoi on était très content d'écouter des textes très profonds. Il y a tant de façons de faire de la musique hip-hop et que voilà, c'est les contenus de tes textes nous intéressent. Et moi, ce que je voulais te dire en premier, c'est que quand on t'écoute, on a l'impression que tout est possible dans le changement Ah de ouais, bah cette merci. planète. Et donc que tu donnes, on dirait que tu as une vision claire de quel monde tu veux qu'il soit. Et c'est en fait ma première question. Comment tu le vois, ce monde qui a changé? Qui a changé ou qui doit Ou changer? qui doit changer? Sì, allora la Lo domanda. faccio forse direttamente io, Ok, vi prego. traduco. La mia domanda era di dire che quando ti ascoltiamo sembra che tu hai una visione chiara di quale mondo vuoi. E dunque la mia domanda è come lo vedi questo mondo? Bon, après, moi, je suis pas une dictatrice, donc c'est pas avec juste mes idées à moi qu'il faudra reconstruire ce nouveau monde. Mais déjà, je crois qu'une des premières bases, c'est l'harmonie avec la nature, l'harmonie avec notre nature interne aussi. Apprendre à, tu vois, depuis qu'on est petit, on nous apprend à voir, peut-être essayer d'apprendre à être nous-mêmes, à pouvoir se réaliser dans la matière aussi, c'est-à-dire peut-être construire les habitats qui nous ressemblent, construire des petits systèmes qui nous ressemblent. Moi, je ne crois pas que Babylone, on le fera tomber dans un coup d'éclat. Moi, je crois à des espèces de groupes d'affinités qui voilà. Enfin, c'est déjà en train de se faire un peu en France, un peu en Amérique du Sud. Je ne sais pas trop ici si ça se fait, mais tu vois, il y a de plus en plus de jeunes urbains qui partent, qui repartent à la terre pour construire le village qui leur ressemble, par exemple, tu vois. Donc, c'est par groupe d'affinités avec une politique interne qui leur ressemble, avec des constructions qui leur ressemblent, avec voilà, autour de l'autonomie, bien sûr, tu vois, que ce soit alimentaire, que ce soit énergétique ou que ce soit médicinal. Par exemple, en France, ça fait 1 an, 2 ans que les plantes médicinales sont interdites, tu vois. Enfin voilà, donc je dirais que déjà la première base, c'est respecter la nature et respecter l'humain et tous les êtres vivants, quoi, et construire quelque chose d'harmonieux. Après, j'ai pas forcément toutes les solutions, mais voilà, l'autogestion. Déjà. Allora, io provo a fare una traduzione, poi tu mi aiuti, direi di cominciare dall'ultima frase di Kenny, che era sostanzialmente la cosa fondamentale, rispettare la natura, rispettare gli esseri umani, trovare in questo i principi e il senso dell'autogestione. Non crede, Kenny, correggimi se sbaglio, che serva, diciamo, abbattere Babilonia con la forza, con la violenza. l'importante è riuscire a creare una sorta di gruppi di affinità che al proprio interno possano cominciare un rinnovamento della propria vita all'interno, diciamo, e all'esterno, insomma, in sostanza riuscire a riscoprire e a costruire i principi dell'autogestione per quanto riguarda la nostra vita singola, ma anche per quanto riguarda la vita associata di tutte e tutti noi. E non so se qui succede, ma comunque in America del Sud, anche in Francia, ci sono degli embrioni di cose che... Je crois que le rapport de force, je crois que le premier principe de Babylone ou du système qu'on combat, c'est le rapport de force. Donc je crois pas qu'on gagnera dans le rapport de force. De toute façon, en face de nous, on a une machine de guerre. Mais je crois que c'est vraiment en construisant sans le système, voilà, comme par groupe d'affinité, etc., qui ensuite, mis en réseau... Enfin, tout ça, ça peut être une force qui peut faire tomber le système, tu vois, de juste construire sans lui. Et parce que c'est nous son essence, c'est nous sa force, tu vois. Si demain on enlève cette force et on la donne ailleurs, exactement, je crois que ça peut faire beaucoup plus de changement, ouais. E Babilonia, o insomma il sistema di potere dominante, si basa oggi su dei rapporti di forza, ovviamente rapporti di forza che sono a favore di questo sistema, e quindi per cercare di sovvertire questi rapporti e per sovvertire appunto Babilonia, l'importante è riuscire a costruire delle relazioni interne, dei gruppi di affinità che possano proporre un nuovo modello, un nuovo sistema, e possano rovesciare dunque i rapporti di forza e possano rovesciare anche il sistema dominante. E per esempio, di queste realtà in cambiamento, questi gruppi d'affinità dont tu parli, est-ce que toi tu identifies des endroits où tu vois ce processus, on va dire, révolutionnaire, puisque c'est un grand changement profond et de l'humain et de son rapport à la terre et à l'humanité? Il y a un grand changement humain aussi à faire, quoi. C'est pas que... Tu veux me poser la question si je connais des lieux comme voilà, ça? Voilà, c'est ça. Où est-ce que tu... Voilà, qu'est-ce que... En France, ça commence pas mal à jaillir, surtout dans les régions, la région du Sud-Ouest, que ce soit dans les Cévennes, que ce soit dans l'Aude, que ce soit dans les Pyrénées-Orientales. Il y a énormément de jeunes comme ça qui partent dans la nature et qui ont envie de reconstruire à la base. En Amérique du Sud aussi, j'ai vu ça au Mexique, j'ai vu ça en Argentine. Après, je suis un peu fatiguée, je me perds. Mais, prends ton temps. Ouais, enfin, c'est en train de se faire partout. Et tu vois, je crois que un du mal-être universel aujourd'hui, c'est que l'être humain, à la base, il est fait pour créer. Et vu qu'on n'a pas d'espace pour créer des choses, on se détruit. Et on détruit tout ce qui est un peu autour de nous aussi, tu vois. Et je crois qu'à la base, c'est la même énergie. Et que dans ce changement, tu vois, il y a autant un changement politique à faire, social, etc. Mais il y a surtout le changement humain, tu vois. Enfin voilà, c'est vachement important, je crois, de voilà peut-être repartir à zéro, vraiment construire vraiment les choses, tu vois, comme je disais tout à l'heure, vraiment ce qui nous ressemble vraiment dans notre vérité interne, tu vois. Si toi peut-être t'as envie de faire une maison dans les arbres, toi t'as envie de faire une maison qui est ronde, moi j'ai envie de faire une hutte, moi, tu vois, mais que chacun on puisse vraiment se réaliser dans la matière. Et je crois que c'est vachement important de reprendre notre pouvoir créatif en main aussi pour l'épanouissement humain, tout simplement. Parce que si demain on renversait le système, je vais dire, je te donne 3 ans pour que... Il y a un nouveau dictateur, encore une fois, etc. Enfin, tu vois, on n'est pas prêt. Enfin, la plupart des gens, en tout cas de la masse, n'est pas prête forcément pour un nouveau modèle de... Enfin, voilà, on a besoin de travailler intérieurement, je crois. Je crois en la notion sud-américaine de la révolution totale, qui est la révolution politique, sociale, mais aussi spirituelle et humaine. C'est long, je suis désolée. Et alors, prima parte, poi vai tu. Vai, allora, siete talk along. Diciamo, per quanto riguarda la sua esperienza, lei conosce ovviamente i luoghi dove vive, che sono il sud della Francia, la Provenza, il sud-est, quindi diciamo, per capirci, ascoltatori e ascoltatrici, tutta la parte che sud-ovest. Arriva sud-ovest. Sì, sud-ovest. Fino al golfo di Aquitania, poi è stata in Argentina, conosce l'Argentina, conosce il Messico, insomma ci sono situazioni molto simili fra di loro. Quello che è necessario è sicuramente un cambiamento sociale, politico, economico, quindi un cambiamento dei rapporti di forza che dicevamo prima, ma anche e soprattutto un cambiamento interno, un cambiamento di ognuno di noi dal punto di di vista personale e umano che deve andare di pari passo con i cambiamenti politici e sociali. Sì, come intende la rivoluzione, come una rivoluzione totale, sia politica, sociale e spirituale. Et, moi, j'ai des phrases fortes qui me viennent, hein, parce qu'il y a des phrases fortes. Par exemple, le droit à la vie ne se demande pas, il se prend. C'est clair. Il diritto alla vita non si chiede, ma si prende. Ma si pretende. È chiaro. Poi c'è, per esempio, non si cambierà il mondo con i pessimisti. On ne changera pas le monde avec les pessimistes. C'est clair, non? C'est clair. E questo è evidente. È evidente, on n'ajoute rien. Evidente. Evidente. Claro. Et alors une autre peut-être qui n'est pas évidente, c'est le cœur devient puissant seulement s'il est relié au creux de la main. Ouais, au creux d'une main. Ouais. Ouais, dans le sens où voilà, c'est passer à l'action quoi, tu vois. C'est ça que ça veut dire en fait, tu vois, le cœur il est puissant, mais bon, si tu restes dans ton coin tout seul avec ton grand cœur, ça changera rien. Alors que voilà, si tu... Le cœur en action, tu vois. Je sais pas comment dire autre que cette phrase. Diciamo, tu gli stavi chiedendo, stavi facendo riferimento a una frase. Sì. Di una sua canzone, che peraltro è traducibile come avere il... No, il cuore non è mai potente se non è legato al... Se non si tiene nella mano. Al cavo della mano. Diciamo, espressione abbiamo a noi abbastanza simile, e Kenny giustamente diceva che appunto non c'è molto altro da aggiungere, bisogna passare all'azione e appunto col sì, gettare il cuore oltre l'ostacolo, sì. Usiamo altre frasi fatte sempre. Se rimani da solo con il tuo cuore, anche se è grande, comunque non serve a molto, bisogna essere con gli altri per continuare questa cosa là. Et mais tous les textes et tout ça, tu fais tout seul? Tu travailles, Oui, tout seul. Toute seule, des fois. Tutti i testi sono fatti da Kenny. Sì. Non ci sono aggiunte esterne. Non, il y a pas d'autres qui viennent travailler avec toi. Non. Non, en tout cas les textes non, la musique oui. Mais les textes non. C'est clair que non. Il y a quelque chose que j'aime bien aussi dans le dernier album, c'est l'alternance entre la description horrible de cette planète, l'intériorisation et le travail intérieur que tu fais, et la révolte. Je veux dire, il y a une chanson l'une, une chanson l'autre, et à chaque fois, moi, j'ai des fois l'impression d'être désespérée sur une chanson, et après, arrive Il y a urgence, et là, ça y est, on est sauvés. Ouais, peut-être, je sais pas, fait exprès, mais... Ouais, pour moi, c'est important de dénoncer d'un côté et de l'autre côté d'amener de la force, de l'espoir et voilà, tu vois, vraiment, peut-être même booster des sentiments ou des vertus, enfin, je sais pas quel mot utiliser, des qualités que le système, il a tendance à sous-estimer ou à écraser, tu vois. Et inversement, tu vois, j'ai fait un morceau sur l'audace parce que je trouve que c'est vachement important de rester audacieux, comme j'ai fait un morceau sur le cynisme parce que pour moi, c'est un des poisons de notre époque. Et de l'être humain, tu vois. Enfin voilà, je peux autant parler de vraiment du système que vraiment de l'humain aussi, tu vois. Et je crois que ce disque, il est peut-être plus autour de l'humain que les autres disques que j'ai pu faire. Je sais pas en fait. Mais comme il y a pas de calcul, je sais pas trop. Oui, il s'articule, on va dire. Il y a une grande articulation entre ces trois aspects, non? Ouais, ouais, ouais. Ouais, l'aspect personnel, l'aspect militant politique et l'aspect spirituel universel, je dirais. Ouais. E allora la domanda era sull'alternanza nei testi di Kenny, diciamo, fra i brani, le canzoni che in qualche modo denunciano tutte le cose orribili che succedono in questo mondo e che magari possono portare anche un po' di pessimismo nell'ascoltatore, però per fortuna dopo ogni canzone di questo tipo ce n'è un'altra che invita alla lotta, alla volontà, all'ottimismo, e questo probabilmente è un marchio di fabbrica, chiedo scusa per l'espressione, della tua produzione, e che mi diceva appunto sì, è necessaria questa cosa, cioè mettere insieme da un lato la denuncia di tutto quello che succede, ma dall'altro la voglia appunto di andare avanti, di andare con il cuore nel palmo della mano, ma tutti insieme, tenendo sempre ben presente il fatto però che la rivoluzione e i cambiamenti esteriori non bastano se non c'è anche una rivoluzione interiore, una rivoluzione all'interno di tutti noi. J'ai en tête qu'il faut absolument préserver ta voix, donc on ne va pas faire trop longtemps. J'essaye de pas trop crier non plus. Il nous faut, il nous faut garder de la voix pour le concert ce soir. Mais il y a une, où est-ce qu'elle est ? Il y a une question qui est venue des studios là-bas, qui est de. Enfin, c'est pas une question, hein, c'est. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Parle-nous de la rage du peuple. La rage du peuple. Alors la rage du peuple, c'était un mouvement qu'on avait créé, il me semble, en 2003 ou en 2004. Parce qu'on en avait marre des luttes sclérosées par les syndicalistes et par les partis politiques. Alors à l'époque, il y avait eu, c'était un peu le renouveau des grosses manifs en France. Ça veut dire depuis mai 68, il n'y avait pas eu grand-chose. En 2002, il y a eu Le Pen qui est passé au premier tour, qui a créé des grosses manifs en France. Ensuite, il y a eu les émeutes dans les quartiers. Ensuite, il y a eu le CPE, etc. Et après, ça s'est enchaîné. Et c'est vrai qu'on en avait marre de, voilà, comme je disais, d'être sclérosé. Donc, on a créé ce mouvement-là pour vrai. Yes, I. Merci, maman. Et voilà. Et en fait, avec ce mouvement, donc, bon, déjà, on animait. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, mais pas mal de manifs. Tu vois, on était souvent en tête de cortège. Quand les syndicats, etc., voulaient qu'on. On allait dans la périphérie, nous on allait à la mairie, on faisait bordel. Ensuite, pendant 4-5 ans, on a fait beaucoup d'assemblées populaires à Marseille. Après, on a rebondi en 2007 sur Appel aux sans-voix, avec lequel on a fait des assemblées populaires partout en France et dans les pays francophones frontaliers, c'est-à-dire la Suisse et la Belgique. Voilà. Après, on a fait plein de petites actions, que ce soit avec les sans-papiers, que ce soit, tu vois, essayer aussi d'unir les luttes, tu vois, parce que il y a eu une époque où voilà, il y avait la grande lutte. Il y a toujours la grande lutte sans papier, il y avait aussi la lutte des étudiants, il y avait les quartiers, il y avait tout ça, et ça se mélangeait pas, les retraites, enfin bref, etc. Donc on essayait un peu de faire du lien via nos assemblées populaires. Maintenant, c'est un collectif qui n'existe plus, qu'on a dissous plus ou moins quand il y a eu le morceau La Rage. Pourquoi ? Parce qu'il y en a certains du collectif qui ont commencé à vriller et à vouloir recruter des gens et à vouloir faire un espèce de parti politique, chose qui n'était pas du tout la vocation de La Rage du Peuple. C'était qui avait juste pour vocation de, voilà, de créer un mouvement horizontal et essayer d'impulser des choses. Voilà. Donc aujourd'hui, le collectif n'existe plus, mais j'ai envie de te dire que toutes les manifs ou tous les trucs qu'il peut y avoir en France et ailleurs, et ben souvent, il y a La Rage du Peuple qui est là. Mais voilà, c'est les gens qui ont récupéré cet esprit et qui le font vivre, et je trouve que c'est très bien. C'est très bien comme ça, tu vois, que ce ne soit pas des individus, mais un état d'esprit. Oui. Alors, la domanda era su un movimento che si chiamava la rage du peuple, la rabbia del popolo, e che mi spiegava che è un movimento che è nato fra il 2003 e il 2004. Era un periodo in cui all'interno dello Stato francese c'erano molte manifestazioni, c'era molta effervescenza nelle piazze ed era un movimento sostanzialmente che nasceva al di fuori e al di là di partiti. E sì, l'idea era, infatti, dentro queste manifestazioni c'era molto il controllo dei partiti, dei sindacati, e che loro comunque si sentavano sclerotizzati. E questi che organizzavano manifestazioni avrebbero voluto vederli in periferia, e invece loro andavano direttamente al comune, facevano assemblee popolari. E questo poi è un movimento che è andato avanti per diverso tempo, dopodiché ci spiegava lei che attualmente non esiste più da un punto di vista formale, e non esiste più perché ci sono stati dei collettivi che in qualche modo si sono comportati quasi come dei piccoli partitini, insomma. Sì, il cambiamento andava verso qualcosa cioè alcuni spingevano verso qualcosa un po' più istituzionale, un po' di partiti, e dunque hanno deciso di smettere questa esperienza. Smettere, ma comunque ci sono ancora quando ci sono manifestazioni, e questo è bello perché comunque era un movimento orizzontale, e adesso, anche se la gente ci va in modo individuale, c'è lo spirito della rage du peuple, e questo va bene. Maintenant on fait des actions, mais anonymes. Comment ? Maintenant, on fait des actions anonymes. Adesso facciamo delle azioni, ma anonimamente, in modo anonimo. In maniera anonima. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? On va te libérer. Je suis très contente de venir chanter à Forte Prenestino. Je suis très contente d'être à Rome parce que c'est une ville que j'ai beaucoup squattée il y a une quinzaine d'années. Et voilà, ça me fait super plaisir d'être là. C'est trop cool. Je reviendrai. Je suis déjà triste de partir. Merci. Va bene, non c'è bisogno di aggiungere molto. Peraltro non è la prima volta che viene a Roma. No, è proprio è al Forte Prenestino, ma insomma questa volta in maniera un pochino... Sì, ho vissuto questa città 15 anni fa, l'ho squattata diversi momenti. Sono già triste di sapere che domani parto e sono molto contenta. Sì, è veramente figo di essere qua. Grazie. Grazie mille.